On s'en va à Mitraillette de News right now. What's going on, buddy? Je ne sais pas si vous avez vu hier dans vos nouvelles un reportage sur quelque chose dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier soir. Là. Une page Facebook. Une page Facebook intitulée « Toutes des folles ». Avant qu'il passe le reportage d'hier, il y avait 240 fans, 240 personnes qui aimaient la page. Et là, ce matin, ils ont pété le 400, là. Quand j'ai regardé, en tout cas, là, ça a peut-être augmenté encore. Moi, je pense que ça a été plus une belle pub qu'autre chose. Un reportage un peu... Je veux pas insulter le journaliste, mais un peu bidon, tu sais. Le gars a trouvé une page Facebook où il s'est fait appeler, où il se fait dire « Ouais, il y a une page Facebook dénigrante envers la femme. » Et puis, il en a fait un reportage. Je peux peut-être vous faire écouter, d'ailleurs, l'intro du topo en tant que tel à TVA hier, dans le bulletin national à TVA Nouvelles. Des autocollants et une page Facebook font vivement réagir à Québec. Est-ce qu'on peut parler d'humour douteux ou encore d'une attaque en règle envers les femmes? Chose certaine, la question ne laisse personne indifférent. Sébastien Dubois. Donc, elle le dit, effectivement, le Conseil du statut de la femme et Mme Miville-Deschênes, qui est à sa tête, ont réagi à ça. Wow. Dit que ça n'avait pas de bon sens. Grosse affaire. Là, ils sont 240. C'est des débiles, point final, là. Puis, je veux dire, on passe à un autre appel. Non, je sais pas, là. Donne-moi une demi-heure, là, puis je vais te créer des Facebook pas rapport, là. Je suis contre les mouches noires, pour les mouches, contre les truites, pour les truites. Pour le soleil, contre le soleil. On pourrait se faire des bulletins de nouvelles entièrement consacrés à Facebook aussi. Pour les filles qui ont du poil là-dessus des bras, contre les filles qui ont du poil là-dessus des bras. Ça s'appelle n'importe quoi, là. C'est le royaume de la folie, c'est Facebook. Des pages Facebook, no name, niaiseuses, il y en a, un shop, une barge. On donne 4 millions au Conseil du statut de la femme. Ils sont 45 employés. Ils ont-tu d'autres dossiers? J'espère qu'il y a d'autres choses, là. J'espère qu'il y a d'autres dossiers. Mais là, ils ont sorti des autocollants qui mettent sur les chars TDF, toutes des folles. Donc là, tu sais, je veux dire, là, ça fait des vases. D'ailleurs, hier, le reporter est allé faire une espèce de vox pop à des gens qui avaient mis cet autocollant super brillant en passant sur leur voiture. Mais ça, je veux dire, on peut le dire, là. Pas fort, hein. Si vous voulez, vous continuez à vous masturber jusqu'à l'âge de 75 ans. Lâchez-vous lousse, là. Ouais, mais ça vient de Bob Bissonnette, ça. Il est drôle, Bob, c'est un clown. Puis, ben. C'est juste une niaiserie. En fait, le Conseil du statut de la femme sont un an et demi en retard. Il aurait dû sortir. Non, mais ça, c'est nouveau, là. Parce que Bob Bissonnette a fait sa toune. Ils sont toutes folles. Ouais, mais là, c'est le groupe. Là, le Conseil du statut de la femme? Non. Ben, probablement qu'il y a eu des plaintes de groupes féministes, là. Je suis pas mal convaincu. Ouais, mais ils sont pas sortis dans ça. Non, ils sont pas sortis. Mais là, il y a des stickers, c'est char, là. Mais des stickers, c'est char. C'est un no news insignifiant. Hey, on donne 4 millions au Conseil du statut de la femme. D'après moi, on peut couper ça à 1 million, là. Hop, on vient de trouver un 3 millions ici. Ça se peut même qu'on ait trouvé un 4 millions. Puis écoutez, je veux pas de crise nationale. On va lui laisser 1 million. D'après moi, 1 million, c'est pas payé comme budget. Ben, pour dénoncer des affaires de même, c'est pas payé. Ça va être correct. On peut écouter le Vox Pop, vous allez voir, c'est super bon. Mais toi, pourquoi t'as choisi de mettre ça sur ta voiture? Je sais pas, il y a une coupe qui en a. Hein? OK. Et tu prends ça, c'est plus humoristique que d'autres choses? Moi, je pense bien que oui. Hein? OK. T'as-tu une blonde? Ouais. Comment qu'elle trouve ça? Ben, ça les dérange pas tellement, hein? Non? Ouais, c'est juste drôle. Moi, je trouve ça drôle, tu vois. Tu trouves ça drôle? Ouais, ouais. Est-ce que t'en mettrais sur ta voiture? Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est des niaiseries de gars. C'est des niaiseries de gars comme on faisait avant, comme on va continuer de faire. C'est pas grave. Ben moi je trouve ça débile. Ouais, mais c'est des folles, Jean-Claude. Je comprends, mais c'est intelligent. Non, je trouve ça insignifiant. Mais il était 240. C'est ça, insignifiant. Page Facebook. Insignifiant.